un habitant sud-coréen a établi un site d'internet en juin 2009 pour y insérer jusqu'au mois de novembre de l'année dernière 207 articles en l'honneur des grands hommes Paek To-sun et de la politique de Sun Gun, exaltant notre république et favorable à la réunification basée sur le régime fédéral, selon News 1 sud-coréen.